Bonjour cher Emmanuel et bonjour à toutes, bonjour à tous. Êtes-vous sûr que vous n'êtes pas en train de rêver? Quelle preuve avez-vous de votre éveil? Vos pensées n'y suffiraient pas puisque le toucher et la sensation de douleur pourraient être induits par l'univers onirique. À bien y réfléchir, y a-t-il un argument, une expérience qui permettrait de trancher de manière absolument certaine entre le rêve et la réalité? Le roi Sigismond de la pièce baroque de Calderon, plusieurs fois piégé par ses rêves ou dupé par la réalité, préfère ne plus s'aventurer et déclarer haut et fort, en plein jour, que l'existence elle-même ne serait qu'un rêve. Je sais que toute vie est un songe. Dissipez-vous, ombre, qui prêtez à des sentiments morts en moi-même une voix et un corps, quand vous n'avez ni corps ni voix. Majesté feinte, grandeur trompeuse, que déchire la laine de l'aube, pareille aux fleurs de l'amandier trop tôt épanouies, que le premier souffle arrache et dessèche. Illusion, je vous connais, je vous reconnais, vous ne pouvez plus m'abuser maintenant. Je suis lucide, je vois, je sais que toute vie est un songe. Je vis pas ma vie, je la rêve. Le soleil se lève et moi aussi. C'est comme une maladie que j'aurais chopée quand j'étais tout petit et qui va pas me lâcher avant j'en crève. Le facteur, le coursier, les balles de nuit, les éboueurs m'interpelle, hey Jacques, qu'est-ce que tu fous encore debout à cette heure-ci? Je vis pas ma vie, je la rêve. C'est comme une maladie que j'aurais chopé tout petit. Bonjour Thibaut Grèce. Bonjour. Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Merci. Pensez-vous que ne pas distinguer le rêve de la vie est le signe d'une grande lucidité ou d'une maladie? En tout cas, c'est le signe d'un questionnement philosophique et d'une certaine tendance peut-être à percevoir le caractère incertain du monde auquel nous nous rapportons par la perception, le mettre en doute et adopter une attitude cartésienne au sens rigoureux du terme. Et oui, car Calderon d'un côté, le personnage de Sigismond qui dit qu'il est absolument lucide, enfin il voit que la vie est un songe, Jacques Higelin de l'autre qui dit c'est une maladie, je ne vis pas ma vie, je la rêve. En fait, c'est Descartes que nous allons parler aujourd'hui et Descartes justement met en doute l'existence même d'une réalité qui serait dépouillée de toute forme de rêve, et en même temps, et c'est ce qu'on va montrer aujourd'hui, le rêve joue un rôle très important pour lui dans toute sa philosophie. Oui, c'est une question qui se trouve dès 1619 alors qu'il est en Allemagne, qui va apparaître dans des carnets qu'on a retrouvés où il avait noté un certain nombre de songes qu'on a retrouvés grâce à son biographe qui s'appelle Bayet. Et au cours de nuit du 10 novembre et du 11 novembre 1619, il va connaître trois songes qui peut-être ont décidé en partie du destin de sa philosophie, puisqu'apparaît la notion de la science admirable, apparaissent un certain nombre de notions qu'il a lui-même interprétées alors qu'il était dans un état d'entre-deux, à la fois entre la veille et le sommeil. Et un peu plus tard, en 1641, en effet, la question du... disons du rêve, va apparaître une deuxième fois, cette fois dans un cadre parfaitement contrôlé, c'est-à-dire dans le cadre de la première méditation, pour donner une sorte de nouvel élan à l'entreprise du doute qu'il avait initiée, pour savoir quelle connaissance résistait au doute et quel argument il pouvait employer pour douter réellement d'un certain nombre de réalités matérielles. Calderon, j'en reviens à lui, il a ouvert cette émission parce que c'est un contemporain de Descartes, et la pièce entière, La vie est un songe, et même l'extrait qu'on a entendu, permet d'imaginer le contexte qu'est celui de Descartes quand il écrit, à savoir c'est un contexte baroque. Oui, alors c'est vrai qu'on utilise souvent l'adjectif classique pour qualifier la pensée de Descartes, rigoureuse, claire, parfaitement consciente. En fait, la pensée de Descartes est en clair-obscur. Elle a un même côté, cartésien, ça veut dire, cartésien voudrait dire rationnel aujourd'hui. Absolument. Rationaliste. Absolument. Et presque univoque, au sens où on serait toujours du côté de la clarté. Il y a un clair-obscur, il y a un aspect baroque chez Descartes. Vous avez raison, c'est le contemporain de Calderon. Et en fait, cette expression de la vie qui est est un songe, on la retrouve à de nombreux, dans de nombreux textes, même Bossuet l'utilise de temps à autre, et Descartes assurément est pris dans un imaginaire baroque, et notamment la première méditation est pleine de figures baroques, le rêve naturellement, le malin génie qui va apparaître, et puis tout un tas de sinuosités, de manières de poser des questions, et puis de prendre des chemins de détour pour trouver une réponse. Tout cela, ça n'est pas du tout la ligne droite et claire qu'on a l'habitude d'associer au classicisme. Et dans les méditations, ce qui est fascinant, c'est justement ce côté un peu serpentin, cette manière de ne pas aller directement au but. Et paradoxalement, d'ailleurs, une fois qu'on a atteint le but, de continuer quand même. Puisqu'à la fin de la troisième méditation, le but est atteint, Dieu est démontré, l'ego est démontré, pourtant ça continue. Donc en fait, on n'est jamais là où on, enfin, il n'est jamais là où on l'attend Descartes. Et ça, c'est également assez baroque. Cette manière de surprendre également l'attente du spectateur ou du lecteur, il y a un côté pas classique du tout. Qu'est-ce que ça veut dire baroque en fait ? Alors baroque, bon, ça vient du portugais barroco, qui renvoie à l'idée de quelque chose d'un peu bizarre, d'un peu étrange. Et par la suite, en fait, ça s'est répandu pour désigner une manière de briser la linéarité, d'introduire de la sinuosité, d'introduire des courbes, d'introduire une manière de dérouter au sens littéral. On prend pas la route attendue. Et puis, notamment en peinture, ça a pu désigner des cadres où il y a beaucoup de mouvements, où il y a également des percées au-delà des nuages. Les coupoles baroques sont souvent des coupoles où l'obscurité règne, mais où on peut percer l'obscurité pour finalement, malgré tout, atteindre une réalité ultime qui, en règle générale, est Dieu. Ce qui veut dire que dans l'univers baroque, vous l'avez dit, il n'y a pas qu'un seul chemin, il n'y a pas non plus qu'un seul regard. En fait, il y a une multiplicité de perspectives. Ça peut donner lieu à ce qu'on appelle, notamment en philosophie, le perspectivisme, à savoir qu'on ne peut jamais affirmer que les choses sont telles qu'elles sont de manière objective. Oui, absolument. Et Descartes, pourtant, c'est l'entreprise de Descartes. Comment puis-je fonder ma propre identité ? Comment puis-je savoir que je suis là où je suis ? C'est peut-être là d'où vient le paradoxe. Alors, c'est vrai qu'on dirait que le but de Descartes a un côté classique, c'est-à-dire trouver un premier fondement, une première certitude, et puis atteindre un certain nombre de vérités indubitables, finalement avoir des socles absolument incontournables une fois fondés. Mais le parcours qui mène au résultat est un parcours au sein duquel l'incertitude va être croisée, au sein duquel on a des déréalisations quasiment d'un certain nombre de choses qui paraissaient pourtant solides et certaines, et on a une espèce de fuite du monde en permanence. On essaye de le saisir et puis à chaque fois il nous échappe, à chaque fois c'est comme si vous voulez c'était un petit peu de l'eau qui coulait entre les mains, et il met du temps avant de trouver une réalité vraiment solide, c'est-à-dire avant de pouvoir fonder de manière classique une première réalité. Vous parlez du doute, ce n'est pas la même chose que le rêve. Le rêve est quelque chose qui peut s'imposer à nous. Quand le doute, chez Descartes, et on va en dire deux mots avant d'entrer dans les textes, est présenté, et là encore je devrais employer le conditionnel parce que ce n'est pas votre thèse Thibaut Grèce, mais le doute de Descartes serait présenté comme un outil au service de la pensée de Descartes pour prouver son existence et celle du monde. Or, vous affirmez dans vos travaux sur Descartes que le doute n'est pas du tout rhétorique pour Descartes, qu'il doute sincèrement de l'existence même des choses et qu'il s'inscrit dans une lignée qu'on pourrait peut-être qualifier de sceptique. Oui, alors si on prend en effet l'univers baroque au sérieux et si on considère que lui-même a fait l'expérience presque ontologique de ce dont il parle, si ça a été véritablement quelque chose qu'il a éprouvé, alors l'incertitude du monde ou la précarité même du monde qu'implique le rapport baroque au monde doit être pris tout à fait au sérieux et non pas comme une espèce d'artifice de méthode, ou en tout cas pas uniquement comme un artifice de méthode. Et de ce point de vue-là, on peut considérer que le doute, c'est tout simplement l'attitude la plus rationnelle à adopter dès lors que l'épreuve que l'on fait du monde est une épreuve de disparition ou d'incertitude du monde. Donc c'est une manière de dire, si l'on veut, que la méthode de Descartes n'est jamais que la conséquence logique de son ontologie. C'est ça, le doute est une conséquence. Le doute est une conséquence de son ontologie et d'un rapport presque expérimenté au monde. C'est une conséquence, ça, se situer sur le domaine rationnel et argumentatif, on pourrait dire que c'est presque un effet, c'est quelque chose, c'est regardant le monde qu'il commence à douter. Exactement, c'est-à-dire une fois qu'on a éprouvé presque dans sa chair, si je puis dire, la possibilité que le monde ne soit pas, ou que le monde soit tout à fait autre qu'il n'est, ou que le monde soit un songe, pour reprendre l'expression de Calderon, eh bien, après tout, quelle attitude rationnelle adopter, c'est de ne pas accorder foi au monde, c'est justement de le mettre à distance par le doute, et malgré ce doute, de se demander si quelque chose ne résisterait pas à l'entreprise justement du doute. C'est-à-dire, c'est à mon avis parce que l'on fait l'expérience de la précarité des choses que l'on va avoir pour ambition de découvrir une réalité qui résiste à la précarité. Ça ramène la philosophie de Descartes à quelque chose qui est vraiment très artificiel et qui serait presque un exercice intellectuel. Mais je crois que c'est un exercice intellectuel, mais qui se déduit d'un certain rapport vécu au monde. que l'exercice intellectuel est d'autant plus urgent qu'il ressent cette urgence, qu'il y a une peur. Enfin, je ne sais pas si on peut parler de peur. Ça n'est pas, comment dire, une sorte de béquille qu'il pourrait trouver comme cela. C'est pas une posture. C'est vraiment la seule voie rationnelle qu'il puisse édifier à partir d'un rapport vécu. Le rêve de Descartes, enfin il y en a trois des rêves, on va commencer par cela. Vous l'avez dit, c'est des rêves qui sont relatés par son biographe, Adrien Bayet, dans La vie de Monsieur Descartes en 1691. Alors pourquoi n'avons-nous pas le récit des rêves par Descartes lui-même ? Alors tout cela a été consigné dans un carnet qui contient sept séries de notes qu'on appelle les Olympica. Donc chemin vers l'Olympe, ça veut dire quelque chose comme un chemin vers la connaissance. Alors l'histoire de ce carnet est assez rocambolesque. On a perdu définitivement au XIXe siècle l'original, mais il nous en reste, notamment grâce à Bayet, un certain nombre de traces. Et parmi ces traces figurent les fameux trois songes de novembre 1619. Songes qui sont d'ailleurs extrêmement complexes parce que d'une part, Descartes, justement, a priori dans le carnet, si on en croit la traduction de Bayet en français, parle de songes. Il parle également d'enthousiasme. Et par ailleurs, apparaît la formulation de la science admirable. Alors, il y a des choses qui sont très claires. C'est qu'à l'époque, en 1619, le mot rêve n'existe pas. Comment ça ? Il y a le verbe rêver qui existe. Il y a le substantif rêverie. Mais le mot rêve n'existe pas. Donc, le mot songe n'a pas nécessairement, disons, la portée un petit peu inspirée ou la portée presque mystique qu'on peut lui accorder aujourd'hui. On parle de songe et pas de rêve, ça que exactement. Vous dites. Alors qu'aujourd'hui, rêver est une chose, songer à côté plus. Voilà, plus c'est ça. Donc, quand on dit songe, à l'époque, c'est en fait le seul mot qui est disponible avec le mot rêverie. Rêverie signifiant soit, disons, quelque chose de plaisant ou d'agréable, soit. Parfois, par exemple, chez Madame de Sévigné, plutôt quelque chose de l'ordre du délire ou quelque chose de l'ordre du désagréable et du délire désagréable. Donc Descartes, il prend le vocabulaire de son temps, que Bayet utilise naturellement puisqu'il le traduit en français. Et donc on ne peut pas s'appuyer sur le mot songe pour en déduire aussitôt que c'est quelque chose qui serait inspiré par une mystique ou par une divinité quelconque. En revanche, Bayet emploie le mot enthousiasme à deux reprises au début. Et le mot enthousiasme à l'époque n'a pas de valeur psychologique. Ça n'est pas un caractère qui est emporté par une fougue. Enthousiasme, c'est vraiment le sens divin du terme. C'est-à-dire on est possédé par une forme de divinité et on est inspiré, pour le coup, par Dieu. Donc autant la présence du mot « songe » n'est pas signifiante comme telle, autant le mot « enthousiasme » pose problème. Parce que dans la mesure où Descartes, a priori, à en croire Bayet, a eu ce jour-là une intuition de sa philosophie, qu'il développera pendant des décennies, eh bien, si vraiment il faut prendre enthousiasme au sens d'une inspiration divine, ça engage le statut même de la philosophie de Descartes. Ça engage éventuellement la possibilité qu'elle soit inspirée par Dieu ou inspirée par un génie. À l'époque, le génie, c'est celui qui guide et qui inspire, mais qui est quand même une réalité surnaturelle. Et donc, ça introduit quelque chose de l'ordre, disons, de la surnaturalité dans l'origine de la pensée cartésienne. Et ça soulève pour cette raison-là un certain nombre de difficultés, disons, quant à la nature même du discours cartésien. Ça changerait complètement les lectures qu'on fait des textes de Descartes. Ça changerait pas sans doute la valeur des arguments. Parce que Dieu intervient en plus dans les méditations métaphysiques. Dieu intervient. Et d'ailleurs, il n'a pas un rôle secondaire même. Non. C'est d'autant plus problématique qu'à la fin du troisième songe, Bayet nous dit que Descartes forme le vœu de faire un pèlerinage à Notre-Dame de Lorette en Italie. Vœu d'ailleurs qui sera réalisé puisqu'il s'y rendra en 1623. Donc, si vous voulez, ça donne l'impression quand même, si on regarde le lexique de l'époque, que quelque chose de l'ordre du divin s'est manifesté à Descartes, que Descartes en tout cas l'a interprété ainsi, et que l'interprétant ainsi, il désire remercier Dieu, et désire même d'ailleurs, dans le troisième songe, se repentir. Il a peur d'avoir été puni pour ses péchés, et que donc toute une inspiration divine serait à l'origine de la philosophie cartésienne. Ce qui n'est pas habituellement le cadre dans lequel on l'aborde. Est-ce l'interprétation que Bayet en donne, ou les hypothèses que Descartes émet lui-même en relatant ses songes ? Alors il semblerait que ce soit, si Bayet est fidèle, l'interprétation elle-même de Descartes, qui s'était exprimée en latin, que Bayet a reporté en français. On n'a plus les traces des cahiers de Descartes. On n'a plus les traces depuis le XIXe siècle, malheureusement, donc la vérification est a priori impossible. Ils ont disparu ? Elles ont été perdues deux fois, une première de manière non définitive, et puis une seconde, je crois que c'est dans les années 1850 ou 60, de manière définitive. Peut-être qu'ils vont réapparaître. Ah oui, on peut toujours espérer. Bon, écoutons un extrait donc de La vie de Monsieur Descartes d'Adrien Bayet. C'est, on est au début du texte et voici comment il relate les rêves faits par René Descartes. Le texte est lu par Georges Clès. Monsieur Descartes nous apprend que le 10 novembre 1619, s'étant couché tout rempli de son enthousiasme, il eut 3 songes consécutifs en une seule nuit, qu'il s'imagina ne pouvoir être venu que d'en haut. Après s'être endormi, son imagination se sentit frappée de la présentation de quelques fantômes qui se présentèrent à lui et qui l'épouvantèrent de telle sorte que, croyant marcher par les rues, il était obligé de se renverser sur le côté gauche pour pouvoir avancer au lieu où il voulait aller, parce qu'il sentait une grande faiblesse au côté droit dont il ne pouvait se soutenir. La difficulté qu'il avait de se traîner faisait qu'il croyait tomber à chaque pas, jusqu'à ce qu'ayant aperçu un collège ouvert sur son chemin, il entra dedans pour y trouver une retraite. Il vit, au milieu de la cour, une personne qu'il appela par son nom, en des termes civils et obligeants, et lui dit que s'il voulait aller trouver M. N., il avait quelque chose à lui donner. M. Descartes s'imagina que c'était un melon qu'on avait apporté de quelque pays étranger. Mais ce qui le surprit davantage fut de voir que ceux qui se rassemblaient avec cette personne autour de lui étaient droits et fermes sur leurs pieds. Il se réveilla sur cette imagination et il sentit à l'heure même une douleur effective qui lui fit craindre que ce ne fût l'opération de quelque mauvais génie qu'il aurait voulu séduire. Il fit une prière à Dieu pour demander d'être garanti du mauvais effet de son songe et d'être préservé de tous les malheurs qui pourraient le menacer en punition de ses péchés, qu'il reconnaissait pouvoir être assez grief pour attirer les foudres du ciel sur sa tête, quoiqu'il eût mené jusque-là une vie assez irréprochable aux yeux des hommes. Le rêve du melon, fait par René Descartes et raconté par Adrien Baillet, son biographe, c'est sur France Culture, les chemins de la philosophie, dans le cadre de cette série d'émissions sur le rêve. Aujourd'hui, en compagnie du philosophe Typogrès, qui a beaucoup écrit sur Descartes, et notamment ses leçons sur les méditations métaphysiques, baroque et art d'écrire, qu'on trouve aux éditions Ellipse. Et en effet, le baroque est très présent jusque dans la musique que vous écoutez, choisie par Nicolas Berger. Alors, bon, le melon, c'est un détail, mais qui quand même... montre bien qu'on est dans un registre assez surprenant dans l'imaginaire de Descartes. Il y a une mise en scène ici. Peut-être que pour comprendre cette mise en scène, il faut aussi comprendre où était Descartes à ce moment-là. 1619, il est en Bavière. Oui. Que fait-il là-bas ? Alors, il est dans ce qu'on appelle l'Allemagne aujourd'hui. Et il était parti voyager et il se retrouve en fait en Allemagne en pleine guerre de 30 ans. Et les circonstances font qu'il s'engage dans les armées du duc de Bavière, avec d'ailleurs grande déception, puisque d'une part, il ne voit pas de bataille, et d'autre part, a priori, la compagnie des soldats l'a légèrement déçu. Donc il vit une période de déception et de repli, par ailleurs, dans son fameux poêle, donc dans une sorte de pièce assez vaste, chauffée, dans un hiver qui devait être sans doute très froid. Et c'est donc dans ce cadre-là qu'il connaît ces 3 songes-là, et dont le premier vient d'être lu, oui. D'accord, donc il est en Allemagne, mm-hmm. Il est seul dans son poêle, et ce sera le début aussi des méditations métaphysiques. Mm-hmm. Et nous raconte Adrien Baillet, il s'endort, son imagination se sentit frappée de la représentation de quelques fantômes qui l'épouvantèrent de telle sorte que, croyant marcher par les rues, il était obligé de se renverser sur le côté gauche. C'est très précis quand même. Alors c'est très précis. Quand on lit le premier songe en entier, on ne peut pas ne pas sourire à certains moments, notamment l'affaire du melon, en effet, qui peut donner l'impression qu'il y a un côté parodique, qui peut donner l'impression même qu'il y a une ironie et qu'il est en train de, disons, de mener un pastiche d'un certain nombre de textes de l'époque qui, en fait, s'organisent autour d'un courant de pensée qui est né en 1614 et qu'on appelle les Rosicruciens, qui avait émergé en Allemagne et dont on se demande si Descartes avait pu entrer en relation avec eux, sachant que un de ses premiers traités mathématiques avait été dédicacé à Polybe le cosmopolite et au fameux frère Rose-Croix, la dédicace ayant fait couler beaucoup d'encre. Donc, ce qui est sûr, c'est que Descartes connaissait, d'une part, l'existence de gens qui se réclamaient de ce qu'on appelle le rosicrucianisme ou les Rose-Croix. D'autre part, il a sans doute eu entre les mains des écrits qui avaient été publiés en 1614 et 1615, notamment les Fama Fraternitatis, donc les échos de la fraternité, ou la Confessio Fraternitatis, donc la profession de foi. Et dans ces écrits-là, en tout cas, dans ces milieux-là, il y avait une manière de mettre en scène un certain nombre d'inspirations, disons, divines, que peut-être Descartes a eu pour ambition de parodier. Et d'où le caractère peut-être, ridicule, en effet, du melon. Ce qui peut faire pencher la balance en défaveur de la parodie, c'est que ce sont des notes qui ne semblent pas destinées à la publication. Et par ailleurs, le pèlerinage qu'il annonce à l'issue des Trois Songes a bien lieu. C'est-à-dire qu'il va à Notre-Dame de Lorette en 1623, et donc il semblerait falloir lire, en tout cas au premier degré, par rapport aux actions de Descartes, le texte, compte tenu de ce qu'il a fait après que les songes eurent lieu. Il y a déjà eu des études analytiques qui ont été faites de ces rêves. Il y a un livre de Tony James sur le songe chez Descartes, et puis il y a un livre qui vient d'être édité d'Edouard Mell qui s'appelle Descartes en Allemagne, qui est un livre très savant et passionnant qui étudie en fait le contexte allemand de Cassel, de Marbourg notamment, pour voir un petit peu qui Descartes a pu rencontrer, ce qu'il a pu lire. Mais bon, en fait... Mais plus sur le rêve, en fait, je me disais, sur un travail presque psychanalytique sur le récit de ses rêves. Ah oui, alors oui, il y a aussi, en psychanalyse, il y a eu une lettre de Freud à Leroy. Leroy lui avait posé un certain nombre de questions sur les songes de Descartes. Freud écrit une lettre qui est globalement décevante. Et puis, il y a eu un livre assez célèbre de Levine qui s'appelle « Du bon usage de la régression », et au sein duquel Levine essaye de montrer que finalement, ce qui est en jeu dans les songes, c'est la distinction de l'âme et du corps, de la res cogitans et de la res extensa. Et... il essaye de déduire à partir de ces rêves-là la distinction entre deux types de substances. Bon, à titre personnel, ce ne sont pas les interprétations qui me convainquent le plus, même si elles sont intéressantes et stimulantes, mais a priori, rien vraiment de textuel et par rapport à l'époque des écrits de Descartes ne permet de corroborer vraiment cette interprétation-là. En tout cas, il est difficile de lire ces textes sans s'interroger sur les liens entre ce qui est relaté ici et la philosophie de Descartes. Et que lorsqu'il raconte... que dans son rêve, il a une douleur au côté gauche, et que quand il se réveille, il a en effet une douleur au côté gauche, il semble argumenter en faveur, non seulement d'un lien peut-être entre le rêve et la réalité, mais entre le corps et l'esprit, comme si la douleur qu'il imaginait pouvait avoir vraiment lieu. Oui, on pourrait y voir quelque chose de l'ordre du lien, en effet, entre l'esprit et le corps. Peut-être que il comprend que le rêve est déterminé par le corps et que donc l'esprit, en effet, reçoit passivement une certaine impression corporelle. Là, c'est une interprétation qui est tout à fait défendable, en effet. Mais de là à en voir le fondement de la distinction entre les deux substances, ça me paraît plus difficile. Il se rendormit après un intervalle de près de 2 heures dans des pensées diverses sur les biens et les maux de ce monde. Il lui vint aussitôt un nouveau songe dans lequel il crut entendre un bruit aigu et éclatant qu'il prit pour un coup de tonnerre. La frayeur qu'il en eut le réveilla sur l'heure même, et ayant ouvert les yeux, il aperçut beaucoup d'étincelles de feu répandues par la chambre. La chose lui était déjà souvent arrivée en d'autres temps, et il ne lui était pas fort extraordinaire, en se réveillant au milieu de la nuit, d'avoir les yeux assez étincelants pour lui faire entrevoir les objets les plus proches de lui. Mais en cette dernière occasion, il voulut recourir à des raisons prises de la philosophie, et il en tira des conclusions favorables pour son esprit, après avoir observé en ouvrant puis en fermant les yeux alternativement la qualité des espèces qui lui étaient représentées. Ainsi, sa frayeur se dissipa et il se rendormit dans un assez grand calme. On sent aussi tout le plaisir de la mise en scène par l'écriture d'Adrien Baillet dans ses textes, Thibaut Grèce. On voit qu'il y a aussi le plaisir de raconter ceci. Alors là, c'est un extrait du deuxième songe. Il y en aura un troisième, mais déjà un lien est fait. Alors, est-ce Baillet, est-ce Descartes, entre ses rêves et la philosophie? Ici, il dit bien que c'est suite à cette expérience où il dut ouvrir et fermer les yeux à plusieurs reprises pour voir comment il évaluait ce qu'il y avait devant lui, qu'il recourt à des raisons prises de la philosophie. Oui, on a... non seulement un lien avec la philosophie, mais on a sans doute aussi un lien avec l'optique. C'est-à-dire, on a déjà une réflexion sur la vue, on a une mise à distance assez subtile de la question des qualités, qui est une notion aristotélicienne, qui avait été un élément central de l'explication de la vue dans le monde médiéval. Et on sent que Descartes est en train de changer peut-être le sens de la lumière. C'est-à-dire que la lumière n'est peut-être pas, en fait, quelque chose dont il faudrait comprendre la nature propre et donc d'étudier les qualités internes, mais qu'elle est peut-être tout simplement la condition de possibilité de la vue. Et que dans ce cas-là, finalement, la lumière devient ce grâce à quoi la vue, au sens vraiment physiologique, peut s'exercer. Et par exemple, Édouard Mel, dont je mentionnais l'ouvrage tout à l'heure, inscrit en fait ce deuxième songe dans une réflexion sur la rupture avec la vision aristotélicienne et scolastique de la vue, au profit d'une explication beaucoup plus moderne, sous une forme plutôt codée, et donc d'une rupture tout simplement avec les qualités et les espèces. Mais là, on est moins dans le rêve que dans une image qui lui apparaît. Oui, on est en fait dans une espèce d'écriture codée scientifique, telle est la thèse en tout cas de Mel, et c'est loin d'être aberrant, c'est-à-dire en effet, si on regarde les trois songes, la question de la vision est centrale, au sens, je dirais, physiologique du terme, et la manière dont il décrit le rôle de la lumière dans la vision est quelque chose de très très proche de ce qu'il expliquera dans la dioptrique. Donc, et son grand traité sur la question optique. Donc là, pour le coup, on peut interpréter peut-être cela comme étant un cadre un petit peu codé pour montrer des bases scientifiques de la vision. Et dans le troisième rêve, apparaît à Descartes un dictionnaire. Oui. Alors, le troisième rêve, c'est le rêve le plus problématique du point de vue du contenu, parce que ça semble, même dans le récit littéral, assez symbolique, et ça semble faire référence, pour le coup, à des éléments très importants dans la philosophie des Rose-Croix, ou dans la philosophie qu'on qualifierait d'hermétique, c'est-à-dire qui a pour ambition de présenter sous une forme très codée un certain nombre de secrets ou de pensées qui n'ont pas à être révélées au plus grand nombre dans certains ouvrages qui eux-mêmes circulent en quantité très limitée. Descartes lui-même, d'ailleurs, pour le troisième songe, l'interprète. C'est-à-dire Bayet nous livre l'interprétation que Descartes a faite aussitôt après que le songe eut été réalisé. Et Descartes va en faire une interprétation à la fois de l'ordre de la théologie morale et en même temps très dépassionné. L'interprétation que Descartes en livre, pour le coup, est assez plate, si je puis dire. À mon avis, le vrai problème qu'on a par rapport à tout ça, c'est que si on veut, par exemple, interpréter le « est et non », qui est référé à Pythagore. Il est question du « est et non », qui est une formule, en effet, de Pythagore dans le troisième songe. C'est une formule capitale pour les Rose-Croix. Le problème, c'est que... Qui signifie quoi ? Qui signifie oui et non, enfin littéralement. Et le problème, c'est que les écrits des Rosicruciens sont des écrits qu'on qualifie d'hermétiques. Et quand vous êtes dans ce type de philosophie-là, les écrits, c'est un pis-aller. C'est-à-dire, on n'écrit jamais que ce qu'il y a de plus bas dans ce que l'on doit connaître. L'essentiel se passe à l'oral. Et donc, finalement, pour restituer une atmosphère de pensée hermétique, on est obligé de connaître ce qui s'est dit par des initiations orales. Mm-hmm. Les écrits ne contiennent pas l'essentiel. Donc, quand on se fonde sur les écrits, et on ne peut pas faire autrement quand on fait de l'histoire de la philosophie, on n'a pas accès à l'essentiel. Et par exemple, les trois ouvrages dont je vous parlais, des Rosicruciens, donc la Fama Fraternitatis, etc., les Noces chimiques de Christian Rosenkreutz aussi, ce sont des écrits. Donc par nature, ce sont des choses dévalorisées. Et on ne peut pas, à mon avis, comprendre ce que signifie vraiment le contexte rosicrucien de l'époque uniquement à partir du cadre écrit. Et ça, c'est véritablement une limite, je dirais, structurelle de l'approche historique de ce milieu-là et de cette époque-là. Quant au contenu des rêves et la manière qu'ils ont nous renseigné sur la philosophie de Descartes, ce que nous en avons dit permet de comprendre ce lien ou il reste des choses dans ces rêves qu'on n'aura pas le temps de lire ici qui sont très importantes? Non, ce qu'on a dit concerne l'essentiel, c'est-à-dire le problème de la nature même du discours cartésien. Par ailleurs, en effet, une espèce de préfiguration du lien entre le corps et l'esprit, mais vraiment une préfiguration sans plus. Et puis, sans doute aussi... Alors, ce qui manque peut-être, c'est la question de la science admirable, puisque Bayet, en effet, introduit tout cela en disant que Descartes a eu cette intuition d'une science admirable, donc d'une science unifiée par l'esprit, d'une science qui ne se définirait plus par une classification de la réalité, mais qui se définirait par l'unité de l'esprit à partir duquel s'ordonnent les différentes formes de pensée que l'on peut mettre en place. 20 ans plus tard, à peu près, 21 ans plus tard, Descartes rédige les méditations métaphysiques. On trouve dans la première méditation une mise en scène, là aussi. Il est dans le poêle, hein, il le raconte dans cette fameuse pièce chauffée. Il raconte qu'il est en robe de chambre, il prend une image où lui-même serait nu dans son lit. Il est très précis, hein, il donne beaucoup de détails sur son corps et ses vêtements, pour finalement en arriver à la conclusion qu'on ne peut pas distinguer qu'il n'existe pas de critères suffisants pour distinguer le rêve de la réalité. Écoutez d'abord le type d'expérience que cela induit avec le film de Christopher Nolan Inception, quelques secondes, et puis ensuite les méditations métaphysiques de Descartes, toujours lues par Georges Class. Vous créez le monde d'un rêve. Nous amenons le sujet dans ce rêve, et le sujet y met tout son subconscient. Comment voulez-vous que j'obtienne suffisamment de détails pour le convaincre que c'est la réalité? C'est que les rêves, ils font vrai tant qu'on est dedans, pas vrai? Ce n'est qu'au réveil qu'on remarque qu'ils avaient comme quelque chose d'étrange. Une petite question. Vous ne vous souvenez jamais vraiment du début de vos rêves, n'est-ce pas? Vous atterrissez systématiquement au beau milieu de l'action. C'est juste, oui. On est arrivé comment ici? Eh bien, on sort à peine de... Comment êtes-vous arrivé ici? Réfléchissez, Ariane. Où êtes-vous en ce moment? On est en train de rêver? Vous êtes au beau milieu d'un atelier pratique, là, endormi. Vous suivez votre première leçon de rêve partagée. Gardez votre calme. Réveillez-moi! Réveillez-moi! Réveillez-moi! Regarde-moi. Tout va bien. Tout va bien. Hein? Pourquoi je me réveillais pas? Il restait du temps sur le minuteur, et on se réveille d'un rêve que si on y meurt. Encore que les sens nous trompent quelquefois concernant les choses peu sensibles et fort éloignées, il s'en rencontre peut-être beaucoup d'autres desquelles on ne peut pas raisonnablement douter, quoique nous les connaissions par leurs moyens. Par exemple, que je sois ici, assis auprès du feu, vêtu d'une robe de chambre, ayant ce papier entre les mains et choses de cette nature. Toutefois, j'ai ici à considérer que je suis homme, et par conséquent, que j'ai coutume de dormir. Et combien de fois m'est-il arrivé de songer, la nuit, que j'étais en ce lieu, que j'étais habillé, que j'étais auprès du feu, quoique je fusse tout nu dedans mon lit. Il me semble bien à présent que ce n'est point avec des yeux endormis que je regarde ce papier, que cette tête que je remue n'est point assoupie, que c'est avec dessein et de propos délibérés que j'étends cette main et que je la sens. Ce qui arrive dans le sommeil ne semble point si clair ni si distinct que tout ceci. Mais, en y pensant soigneusement, je me ressouviens d'avoir été souvent trompé lorsque je dormais par de semblables illusions. Et, m'arrêtant sur cette pensée, je vois si manifestement qu'il n'y a point d'indice concluant ni de marque assez certaine par où l'on puisse distinguer nettement la veille d'avec le sommeil, que j'en suis tout étonné. Et mon étonnement est tel qu'il est presque capable de me persuader que je dors. Comme le personnage d'Ariane dans Inception, le film de Christopher Nolan, qui découvre soudain qu'elle est au milieu d'un rêve parce qu'elle n'arrive pas à se souvenir comment elle est arrivée à l'endroit où elle se trouve, Descartes, dans son poêle, se rend compte qu'il n'y a aucun moyen de prouver qu'il n'est pas en train de rêver, car il se souvient de moments où il pensait être habillé près du feu alors qu'il était tout nu dans son lit, et que, dit-il, il se souvient avoir été souvent trompé lorsqu'il dormait par de semblables illusions. Pourquoi Descartes commence-t-il ce texte avec ce trouble-là? Oui. Alors on est dans la première méditation, donc il est en train de se demander s'il peut trouver au moins une réalité qui échapperait au doute, et il a dans un premier temps révoqué en doute les réalités sensibles au motif que les sens ne sont pas fiables. Et donc il trouve un motif consistant à douter à partir du caractère non fiable de la sensibilité. Mais en fait il s'adresse une objection qui consiste à dire: d'une certaine manière, je ne peux pas raisonnablement douter que les objets sensibles qui me sont proches, donc il cite le feu, la robe de chambre, et puis un peu après le lit, etc. Donc tous les objets avec lesquels le corps est en rapport immédiat, on a beau vouloir douter de nos sens, nous n'en doutons pas réellement. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de résistance d'un certain type d'objets sensibles, à savoir les objets qui entretiennent une proximité avec mon corps et mon corps lui-même. Et tout cela, cette résistance fait qu'on n'arrive pas à en douter. Donc il faut trouver une autre raison de douter que le simple fait que ça s'adresse à nos sens. Quand bien même on n'arrive pas à en douter, quand bien même il faudrait qu'on en doute. Il faudrait qu'on en doute, mais parce que sans trompeur. Il y a une sorte d'évidence de la proximité. proximité naturellement des objets vis-à-vis de mon corps et même évidence de mon corps lui-même, avec la meilleure volonté du monde, il est très difficile de douter que le micro que j'ai en face de moi n'existe pas. Donc, il trouve un second motif qui va en fait engager, si je peux dire, le rapport général à l'existence en faisant l'hypothèse que peut-être je suis en train de dormir, que donc je suis en train de rêver. Et l'argument qu'il donne est assez bon. Il consiste à dire, puisque nous avons souvenir que lorsque nous avons rêvé, il nous est arrivé de prendre le rêve pour la réalité, il est absolument impossible d'affirmer avec certitude que le même phénomène n'est pas en train de se reproduire à ce moment-là. Et dans ce cas-là, je ne rejette pas mon corps et les objets qui sont en proximité avec lui pour des motifs de sensibilité. C'est pas parce que mes sens sont défectueux, c'est parce que je ne peux pas discriminer avec certitude entre la veille et le sommeil. Bon, mais jusque-là, on ne peut être que d'accord avec Descartes. Ah oui, absolument, l'argument est assez convaincant. Que nous dit-il de plus que ce que nous savons déjà, à savoir, il est très difficile de pouvoir distinguer le rêve de la réalité, quand bien même il est difficile en même temps de mettre en doute l'existence de ce micro que j'ai devant moi. Alors une fois qu'il a révoqué en doute l'ensemble des réalités sensibles grâce à l'argument du rêve, il va pouvoir en fait établir une sorte de comparaison entre la manière dont les objets dont nous rêvons nous apparaissent et la manière dont ils nous apparaissent, si je puis dire, en temps normal, donc dans ce que l'on pourrait appelé la veille, bien qu'au fond, ça revient à dire que la veille ne soit jamais certaine. Donc, ce qu'il va constater, c'est qu'en fait, les rêves ne sont pas totalement désordonnés. Il y a une sorte de série de règles auxquelles le monde du rêve obéit. Et ce qu'il va essayer de montrer, c'est qu'au fond, il y a des règles logiques et mathématiques qui sont liées à mon esprit, qui s'appliquent aussi bien dans l'état de veille que dans l'état de sommeil. Il y a un certain nombre d'impossibilités qui se retrouvent dans les deux types de rapports au monde que nous pouvons connaître. Mais au fond, avant d'aller plus loin et avant de voir les distinctions auxquelles Descartes procède juste après dans la première méditation, pourquoi est-il si important de prouver que nous ne sommes pas en train de rêver? Et si finalement la vie n'était qu'un rêve? Eh bien, le paradoxe que Descartes essaye d'établir, c'est que ça ne changerait pas grand-chose. Bah oui. Ça veut dire que les règles rationnelles s'appliquent aussi bien dans le rêve que dans la veille. Et que finalement, l'essentiel de ce qu'il va établir n'a pas de raison d'être ramené uniquement à l'état de veille. Au fond, la grande découverte de l'esprit à ce moment-là, c'est que les règles fondamentales qui, si je puis dire, donnent les paramètres de notre rapport au monde sont les mêmes pour le rêve et pour la veille. Donc de ce point de vue-là, la distinction est inessentielle finalement. C'est ça, et pourtant il tient à la faire, et il l'a fait dès le début de ce texte, comme si ça renvoie à ce que nous disions avant, comme si finalement il y avait malgré tout une nécessité de prouver que nous n'étions pas en train de rêver, comme s'il y avait une urgence de fondation de lui-même en ce monde si douteux par ailleurs. Oui, c'est ça, au fond. Cela étant dit, la démonstration que nous ne sommes pas en train de rêver n'intervient que très tardivement dans les méditations, et elle est même conquise de manière indirecte par le caractère non trompeur de Dieu, mais à part cela, tout le reste est démontré alors qu'il est tout à fait possible que nous soyons en train de rêver. Donc la seconde méditation dans laquelle il conquiert l'existence de l'ego, dans laquelle il établit le rapport au monde à partir de la conscience qu'on appelle le cogito, eh bien tout cela est tout à fait valide, même si nous sommes en train de rêver. Donc les grands résultats des méditations métaphysiques sont tout aussi valides dans la veille que dans le sommeil. À la fin des méditations métaphysiques, on peut supposer qu'il va trouver un moyen de sortir du sommeil, d'être sûr qu'il n'est pas en train de dormir, de songer. Mais enfin, c'est un moyen indirect qui va supposer tout un tas d'intermédiaires qui font que finalement on n'en sort jamais véritablement. N'est-ce pas alors un indice pour qui indiquerait comment lire le récit des trois rêves dont nous parlions juste avant? Parce que finalement, s'il n'y a pas vraiment de différence, ce qui est dit dans les rêves peut avoir une conséquence directe sur le reste de la pensée de Descartes. Alors c'est vrai, mais alors dans le récit que Bayet en fait, il y a un moment, à l'issue je crois du troisième songe, où Bayet précise que Descartes se serait demandé à ce moment-là s'il était en train de songer ou s'il était en train de méditer. Et à en croire Bayet... Une fois que Descartes s'est posé la question, Descartes y a répondu de manière très claire. Il répond qu'il est en train de méditer et que l'interprétation qu'il en fait ne relève pas du songe. Donc, il semblerait qu'en 1619, la distinction, au moins dans le récit que Descartes en a fait, soit quand même relativement possible. Elle est beaucoup plus problématique un peu plus tard. Alors, il y a encore une distinction à faire, sans doute. Ici, on le fait entre donc les sens qui sont trompeurs et la raison qu'ils seraient moins, le rêve qui peut-être nous induit en erreur. Il y a aussi l'hypothèse de la folie. Alors, il y a évidemment l'hypothèse de la folie qui est surdéterminée par le débat qu'il y a eu entre Foucault et Derrida, puisque, au fond, Descartes, à un moment, se dit qu'il serait comparable au fou au seul motif que ses sens seraient trompeurs. Ouais. Et que par conséquent, ça justifierait le fait de douter de son corps et de douter des objets qui sont proches. Alors Foucault en a tiré une interprétation assez célèbre pour essayer de montrer que Descartes excluait les fous de la normalité. Bon, Derrida lui a répondu, puis il y a eu toute une série de textes après cela. Mais indépendamment de l'interprétation de Derrida et Foucault, il y a quelque chose qui est assez amusant dans la manière dont Descartes organise tout cela. C'est que, d'une certaine manière, il est vrai... Il est tout à fait exact qu'il ne serait pas raisonnable de douter de mon corps et des objets qui l'environnent au seul motif que je les perçois par la sensation. Et ça, de ce point de vue-là, c'est vraiment une manière de dire que il y a une gamme limitée à laquelle s'appliquent certains arguments. Ça n'est pas parce que l'argument du caractère non fiable des sens fonctionne pour un certain type d'objet sensible qu'on peut l'étendre comme ça de manière mécanique à tous les objets sensibles. Il y a un moment où l'application de certains arguments de manière maximale devient en effet irrationnelle. Alors prenons l'exemple concret, de quels objets pouvons-nous légitimement douter ? Eh bien, à en croire les exemples qu'il donne, les objets dont il peut raisonnablement douter sont ceux qui ne sont pas à proximité de son corps. Puisque en fait, ceux dont il ne parvient pas à douter au seul motif qu'il soit sensible, ce sont ceux qui sont en contact direct avec son corps. Donc, je peux tout à fait douter que Nicolas Berger soit derrière la vitre en ce moment. Ah oui, c'est très douteux. D'ailleurs, on verra tout à l'heure. En revanche, je ne peux pas douter... Enfin, je peux douter de votre présence ? Ah, je pense, oui. Donc, je ne peux pas douter de ma main droite ? Non, je pense que la main, que le corps propre, de manière générale, ne peut pas être révoqué en doute au seul motif qu'on le sent. En revanche, je pense que les micros avec lesquels vous n'êtes pas en contact pourraient tout à fait faire l'objet d'une révocation en doute. Donc, c'est uniquement une règle de proximité ? A priori, quand on lit les exemples qu'il donne, c'est le lit avec lequel il est en contact, c'est le feu dont il sent immédiatement la chaleur, c'est le papier qu'il tient entre ses mains, c'est la robe de chambre qui affecte sa peau. Donc ce sont vraiment les objets en contact immédiat avec le corps. Et pourtant, dans le rêve qu'il racontait tout à l'heure, il avait mal au côté gauche et quand il s'est réveillé, il avait mal au même côté. Donc là, la douleur, l'indice que lui renvoie son corps, quand même un élément de grande proximité puisque c'est son corps, ne fonctionne pas. Ça ne permet pas de distinguer le rêve de la réalité. Non, c'est vrai, mais c'est la raison pour laquelle on peut considérer qu'entre 1619 et 1641, il y a une clarification des distinctions qu'il a effectuées et que sa philosophie, à partir de certaines intuitions, a pu procéder à des distinctions extrêmement utiles dans la voie de la vérité. Ce qui est d'ailleurs le but de ces méditations métaphysiques, où vous aurez entendu le terme de méditation métaphysique, qui là aussi s'éloigne de l'interprétation rationaliste qu'on propose de Descartes. Il s'agit bien d'une méditation et pas d'une démonstration. Oui, et le terme d'ailleurs apparaît déjà, comme je vous le disais, en 1619, puisque Bayet rapporte ce terme-là de méditation lorsque Descartes produit l'interprétation de son troisième songe. Donc c'est un terme qui est véritablement, dès le départ, associé à la découverte de la science admirable. Comment expliquez-vous alors qu'il y a eu un tel contresens sur l'entreprise de Descartes et qu'aujourd'hui cartésien soit synonyme de rationnel ? Je crois que cartésien, ça veut dire rationnel, mais que c'est en fait le sens même de rationnel qu'on ne comprend pas. Rationnel, ça ne veut pas forcément dire que l'on doute de manière mécanique. En fait, quand on lit les méditations, on comprend que le doute fonctionne par étage et par étape, et que par conséquent, le doute n'est pas une attitude unilatérale en réalité. Le doute va être plastique et il va s'adapter au type d'objet qu'il a à révoquer en doute, justement. Et le problème, à mon avis, c'est le contresens fait sur rationnel qui consiste en une espèce de scepticisme automatique et non réfléchi. Alors que Descartes nous apprend qu'au contraire, rationnel, ça veut dire épouser toutes les sinuosités de la pensée. Le rationnel entraîne le scepticisme ? Non, pas nécessairement. Mais enfin, ça dépend de la manière dont vous définissez le scepticisme. Mais disons plutôt que quand on confond être cartésien et être sceptique, quoi qu'il arrive, je crois que ça... Ah, c'est plutôt l'inverse. Quand être cartésien, c'est être rationaliste, c'est fonctionner de manière argumentée, logique et démonstrative. Oui, mais Descartes fonctionne de manière argumentée et logique. Seulement, les voies qu'il emprunte ne sont pas les voies absolument linéaires auxquelles on est habitué quand on pense en effet à la démonstration. En fait, c'est comme si vous aviez, vous savez, en mathématiques, des lemmes, c'est-à-dire des intermédiaires qui sans cesse viennent se surajouter à la voie démonstrative. Et Descartes, d'une certaine manière, introduit des lemmes à de nombreuses reprises. Par exemple, le malin génie, dans la seconde méditation, alors qu'on croyait qu'il avait conquis, comme en 1637, l'existence de l'ego, tout d'un coup, il se rappelle le malin génie qui surgit de nulle part. Alors certes, il avait été évoqué dans la première méditation, mais enfin, la démonstration avait pris son train, et tout d'un coup, il rappelle le malin génie, on ne s'y attend pas, et... Il arrive à démontrer l'existence de l'ego, mais enfin, il le fait avec un intermédiaire inattendu. Et je crois que c'est vraiment cela, la manière dont Descartes utilise la raison, et qui est parfois un petit peu déroutante. C'est-à-dire que c'est une raison qui ne s'oppose jamais à l'imagination, parce que le malin génie, il peut l'imaginer, c'est une hypothèse de pensée. Alors, c'est une hypothèse de pensée, mais c'est une hypothèse dont on peut tout à fait considérer qu'elle est également totalement rationnel. C'est-à-dire, on peut tout à fait considérer que s'il fallait porter le doute à son degré maximal, eh bien, il faudrait rationnellement produire une telle figure qui permettrait de donner sens au doute maximal. Ça n'est pas que quelque chose qu'on imagine, c'est aussi quelque chose dont la raison a besoin pour donner du sens à la figure maximale du doute. Troisième texte, troisième et dernier texte, Thibaut Grèce, un autre extrait des méditations métaphysiques, et toujours de la première méditation. Cette fois-ci, on va retrouver les mathématiques, car Descartes annonce dans ce texte que on ne peut jamais rêver de quelque chose dont on n'a pas fait l'expérience au préalable, et que les rêves sont toujours composés de choses qui, elles, sont absolument indubitables. Les mathématiques en font partie. Il faut avouer que les choses qui nous sont représentées dans le sommeil sont comme des tableaux et des peintures, qui ne peuvent être formées qu'à la ressemblance de quelque chose de réel. Car de vrai, les peintres, lors même qu'ils s'étudient avec le plus d'artifice à représenter les sirènes et les satyres par des formes bizarres et extraordinaires, ne leur peuvent pas toutefois attribuer des formes et des natures entièrement nouvelles, mais font seulement un certain mélange et composition des membres de divers animaux. Et par la même raison, il faut avouer qu'il y a des choses encore plus simples et plus universelles, qui sont vraies et existantes, du mélange desquelles toutes les images des choses qui résident dans notre pensée sont formées. De ce genre de choses est la nature corporelle en général, et son étendue. Ensemble, la figure des choses étendues, leur quantité ou grandeur et leur nombre, comme le lieu où elles sont, le temps qui mesure leur durée et autres semblables. C'est pourquoi peut-être que de là, nous ne conclurons pas mal si nous disons que l'arithmétique, la géométrie et les autres sciences de cette nature, qui ne traitent que de choses fort simples et fort générales, contiennent quelque chose de certain et d'indubitable. Car soit que je veille ou que je dorme, deux et trois joints ensemble formeront toujours le nombre de cinq. Et le carré n'aura jamais plus de quatre côtés. Non seulement le rêve a ses lois, Thibaut Grèce, et n'est pas un délire complètement coupé du monde et entretient un lien direct avec notre réalité puisqu'on ne rêve jamais que de ce qu'on sait, ce qu'on a ressenti ou imaginé par ailleurs. Mais en plus, c'est ce que dit la fin du texte, le rêve nous permet de fonder des vérités éternelles. Il est même le lieu d'une preuve peut-être de ces vérités. Oui, alors en fait, c'est toujours la question de la science admirable et de l'unité de l'esprit. C'est l'esprit qui rêve et c'est le même esprit qui est en rapport conscient et éveillé avec le monde. Donc il n'y a aucune raison que les lois fondamentales du rapport éveillé et du rapport ensommeillé au monde soient différentes. C'est le même esprit. Donc l'unité de l'esprit ici explique pourquoi un certain nombre de points communs vont s'observer. Alors, il y a un point qu'il faut peut-être préciser, c'est que quand Descartes dit que dans le rêve nous rêvons de choses que nous avons déjà empiriquement éprouvées, faut faire attention parce que c'est analogique, c'est par rapport au tableau. Il est évident que dans la mesure où il vient de révoquer en doute la réalité sensible, il ne peut pas dire aussitôt après qu'il y a une réalité sensible qu'on a empiriquement éprouvée et qui se retrouve dans le rêve. Donc en réalité, ce qu'il essaye de dire, c'est que dans le rêve comme dans le tableau, nous avons affaire à des choses qui sont composés à partir de ce qu'il appelle des éléments simples. Un élément simple, c'est un élément minimal, non composé, qui va être le fondement de l'ensemble des choses qu'on peut se représenter. En clair, c'est tout simplement le fondement du représentable. Et le fondement du représentable, le fondement de ce que l'esprit peut se représenter, est le même pour la veille et pour le sommeil. En l'occurrence, il prend des cas extrêmement clairs. Quoi que je me représente, que je sois éveillé ou en train de dormir, il faudra que ce que je me représente se représente dans une étendue, dans un espace. Il est impossible de faire abstraction de l'espace lorsqu'on dort. L'espace demeure. Le temps s'écoulera d'une manière ou d'une autre. Il y aura une durée, qu'on soit en train de dormir ou non. Donc en fait, les fondements fondamentaux, si je puis dire, désolé pour le pléonasme, de la représentation, sont les mêmes aussi bien dans la veille que dans le sommeil. Et le point qui est extrêmement intéressant, c'est que tous ces fondements-là vont avoir une vertu extraordinaire, ils vont être mesurables, ils vont relever de la quantité, ils vont faire l'objet d'une quantification. On peut donner à l'étendue, dès lors qu'elle est mesurable, notamment grâce au repère cartésien, des coordonnées. On peut donner à l'étendue une mesure d'air, de surface, de volume. On peut donner à la durée, évidemment, une mesure. Et donc, ce que Descartes appelait dans les règles pour la direction de l'esprit, de 1629, les natures simples, en fait, ce sont les fondements inscrits dans l'esprit à partir desquels nous pouvons nous représenter le monde, que nous soyons en train de dormir ou pas. Et ces fondements sont de l'ordre de la quantité. Et pourtant, dans le rêve, et là, on parle même d'un point de vue vraiment empirique. Dans le rêve, les choses paraissent très différentes, y compris en termes d'étendue, de mesure. Enfin, c'est difficile de voir comment les rêves peuvent fonder une analyse scientifique. Absolument. Mais ce qui est intéressant, c'est que même si on peut avoir des espaces... Pardonnez-moi, le temps et l'espace, varie, la durée d'un rêve est complètement différente de la durée que nous expérimentons lorsque nous sommes éveillés. Bien sûr, mais la question est de savoir s'il y a une durée ou pas. C'est-à-dire si on peut se dispenser d'une durée lorsqu'on est en train de rêver, si on peut se dispenser d'une étendue, d'un espace lorsqu'on est en train de rêver. Et la réponse de Descartes est claire, c'est non. C'est-à-dire, encore une fois, les cadres à partir desquels on se représente les choses sont les mêmes. Alors peut-être qu'ils peuvent varier quant à leur contenu, mais leur présence néanmoins est assurée. Donc je ne peux pas rêver quoi que ce soit en dehors d'un espace et d'une durée, même si la durée et l'espace peuvent en effet être différents de l'espace et de la durée empirique. Mais on voit le temps qui passe dans les rêves. On a un sentiment de durée. On a un sentiment de durée, d'accélération ou de ralentissement. Mais ce sentiment-là, c'est justement ce dont on ne peut pas faire l'économie. C'est-à-dire l'esprit, quoi qu'il fasse, est comme prisonnier de ses natures simples. Il ne peut pas faire en sorte de s'affranchir de la durée et de l'espace, même si, encore une fois, leurs contenus peuvent différer par rapport à la veille. D'où le degré très limité de notre imagination, cette fois. C'est qu'on ne pourra jamais inventer quelque chose d'absolument nouveau. Non, c'est ça. L'imagination, en fait, jusqu'à un certain point, est limitée par des contraintes liées à l'esprit et qui sont les mêmes pour tous les hommes. C'est-à-dire ce n'est pas lié à une singularité ou à une individualité. Chaque homme possède le même type de nature simple qui va contraindre ce qu'il peut penser, c'est-à-dire se représenter de la même manière pour la veille que pour le sommeil. Donc ces vérités sont en fait des contraintes. Ces vérités auxquelles accède Descartes, ce sont des limites. C'est l'une des grandes découvertes de Descartes et que Kant, à certains égards, va reprendre. C'est-à-dire en fait, fonder tout à partir de l'esprit, c'est considérer que l'esprit est à la fois un fondement et une prison. Je ne peux jamais percevoir que ce que mon esprit me permet de percevoir. Et je ne peux pas percevoir ce que mon esprit ne permet pas de percevoir. Ça paraît tautologique, mais en même temps, c'est le fondement de la pensée moderne. Merci beaucoup Thibaut Grasse. Merci à vous. D'être venu nous parler de Descartes ce matin. Leçon sur les méditations métaphysiques de Descartes, c'est votre livre, Baroque et art d'écrire. On le trouve aux éditions Ellipse. On racontait comment Descartes, dans le récit des rêves qu'en fait son biographe, a une dimension très, très morale. Hein. Se demande si on ne vient pas le faire payer, expier ses péchés. On va se quitter avec un innocent, quelqu'un qui pense qu'on est innocent quand on rêve, c'est Tom Waits. The bats are in the belfry, the dew is on the moor. Where are the arms that held me and pledged to love me for? And pledged to love me for? And it's such a sallow feeling, all the fields are soft and green. It's memories that I'm stealing, but you're innocent when you dream. When you dream, you're innocent when you dream. When you dream, you're innocent when I made a golden promise that we would never part. I gave my love a locket, and then I broke her heart. And then I broke her heart. And it's soft and green, and it's memories that I'm stealing, but you're innocent when you dream. When you dream, you're innocent when you dream. When you dream, you're innocent when you Sur France Culture, les chemins de la philosophie, il est temps de passer de Tom Waits à Géraldine Mosna-Savoie pour son journal de la philo. On n'est pas là pour philosopher, Carpentier. Quand même. Incroyable. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, vous nous parlez de presse féminine. Eh oui, en 1974 paraissait pour la première fois un essai sur la manière dont la presse féminine façonne les représentations des femmes. Elle, Marie-Claire, Modes et Travaux, eh oui, ou Vogue, Anne-Marie Lugan d'Ardigna, à qui l'on doit cet essai intitulé « Femmes-femmes sur papier glacé », s'était alors penchée sur près de 250 articles et avait révélé les mécanismes de fabrication de la femme. 45 ans plus tard, si les mœurs et les magazines féminins ont évolué, si les blogs sont nés, cet essai n'en est pas moins d'actualité parce qu'il interroge les codes qui régulent l'espace médiatique et qu'il soulève cette question, comment se fabriquent les stéréotypes ? J'aime les filles de ces Castel, j'aime les filles de ces Régine, j'aime les filles qu'on voit dans elles, j'aime les filles. Alors, quelles sont ces filles que l'on voit dans elles ? Peut-on en tracer un modèle type, une silhouette, des caractéristiques ? Ce modèle est-il le même d'une époque à l'autre, d'un magazine à l'autre, Marie-Claire, Cosmo ou Vogue ? Spontanément, on pourrait répondre non à tout ça. Non, les femmes ne se ressemblent pas, d'une époque et d'un magazine à l'autre. Non, il n'y a pas une femme, mais des femmes. Et on pourrait aussi s'empresser d'ajouter que la presse féminine n'est pas la grande fautive de la domination des femmes, mais qu'elle a, au contraire, servi à leur émancipation. Et on n'aurait pas tort, mais on n'aurait pas non plus raison, car toute l'ambiguïté est là. La presse féminine n'est pas univoque, unanime, elle ne décrit pas d'une seule voix et explicitement un seul modèle féminin. Au contraire, et c'est la thèse de ce livre, elle propose, à travers une foule, a priori diverse et pas prescriptive, d'images, de figures, d'éléments de langage, de conseils, de situations, un tableau cohérent et en fait homogène de ce que doit être une femme. Et là est l'ambiguïté. Plus généralement, là est l'ambiguïté, la problématique de la presse. En 1960, le philosophe Habermas retraçait en effet une archéologie de l'espace public. D'abord espace caractérisé par un usage public de la raison et donc critique et émancipateur avec la presse, il se transforme ensuite en espace d'intérêt particulier à destination de la masse. De là, une uniformisation des discours, une tyrannie de la majorité et un seul modèle de vie, un stéréotype imposé en creux par sexe ou par genre. Bonjour, est-ce que vous vendez beaucoup de journaux féminins ici au Presse du Nord-Ouest ? Est-ce qu'il y a des titres plus particuliers que d'autres ou est-ce que c'est indifférent ? Surtout particuliers ici, les hebdomadaires comme Elle, nous avons Jour de France, Marie-Claire, Mensuel par contre, et puis quelques petites publications alors qui passent aussi dans la fin de la semaine. Sur les gens de quel âge qui achètent ces journaux ? Relativement jeunes, nous avons des femmes 25-30 ans, des mères de famille qui demeurent ici, qui restent beaucoup. Faut-il en vouloir à la presse féminine et à la presse en général, aux fameux médias ? Faut-il arrêter de la lire ou les lire en voulant déceler tout ce qui se joue de manière cachée ? Plus que des injonctions à lire ou pas, le livre d'Anne-Marie Lugan d'Ardigna met au jour ces tensions à l'œuvre dans la presse. D'abord, les enjeux politiques et idéologiques qui se logent dans les discours et les images les plus ludiques et désinvoltes. Et ensuite, la ligne unique et oppressante derrière la diversité bienveillante des propos. Et ce livre, il soulève aussi cette question essentielle, jusqu'où cette ligne unique, ce modèle type que l'on tire de la presse féminine s'appuie sur des normes préexistantes mais contribue aussi tout autant à les renforcer. Autrement dit, comment d'une réalité déjà informée par les normes, elle fabrique des stéréotypes un peu plus normalisants. Ce qui apparaît alors, c'est la construction de normes sous forme de type. La femme au foyer, aimante, patiente, douce, ou la femme dynamique, travailleuse sur tous les fronts, la maman ou la putain, etc. Autant de stéréotypes, c'est-à-dire de clichés qui gomment toutes les aspérités de la réalité, tout en laissant penser qu'il s'agit pourtant de la réalité. Et ce qui apparaît surtout, et c'est un comble, le pouvoir du papier, qui fait agir des personnages fabriqués de toutes pièces et qui pourtant nous pousse, nous, à leur donner vie et raison. Merci beaucoup Géraldine. Le titre du livre ? Femme-femme sur papier glacé, la presse féminine, fonction idéologique, c'est paru aux éditions de La Découverte, donc une réédition, préface de Mona Chollet et c'est de Anne-Marie Lugan d'Ardigna. C'est noté. Merci Géraldine, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du journal de la philo. Un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui m'a aidé comme chaque jour à préparer cette émission. Colomba Grossi, Isis Jourdain, Elsa Le Saulnier, Géraldine Mosna-Savoie, Anaïs Isbert, Nicolas Berger qui réalise cette semaine. À la prise de son aujourd'hui, c'était Swad Boukarsa. À la lecture des textes, Georges Clès. On se retrouve demain pour la suite et fin de notre série sur le rêve. Demain, nous évoquerons Alain Bachung et Monsieur Rêve sera conté par Chloé Mons et Dorian. D'ici là, pour écouter cette émission, rendez-vous sur le site de France Culture, page des Chemins de la Philosophie. Vous pouvez réécouter chaque émission en ligne ou bien la télécharger, la podcaster pour l'écouter où vous voulez et quand vous voulez. Rendez-vous aussi sur les réseaux Twitter, Facebook, Instagram, où nous attendons vos remarques et vos commentaires. On se retrouve demain à 10h donc. D'ici là, continuez à rêver sur France Culture.